Fresh Air Community Radio is KFAI-FM, Minneapolis, St. Paul, online and archived at kfai.org, the community's true voice. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir, bonsoir. This is Freddy. Tonight on Bonjour Minnesota, we have a special 2023. And you're going to think, well, you've already done some 2023. Well, that's right. We've done the tribute to people who passed away in 2023. Then we've done the top 10. Now we decided to fill January with song extracted from albums that came out in 2023. Allez, on y va. Well, right now, we're going to start with three songs, and the first one is from the band Alma Dilly. I discovered this band on Bandcamp, and I was surprised because I thought, like, well, this guy looks familiar on the cover. And it turns out that Johnny Montroy was at the standard bass. So it's their new album from 2023, and the name of the song is Les 400 Coups. And it's a play on word, because Les 400 Coups are like the 400 blows, the movie. But it's spelled differently, and here it's the four people without neck. That's the funny part. Then we're going to listen to Salvatore Adamo with I'm Not In Love. Je ne dis pas que je t'aime. And it's from his album called In French, Please. Then we're going to listen to Isabella Gianni with the song Samurai. Ils étaient quatre qui n'avaient plus de tête. Quatre à qui l'on avait coupé le cou. On les appelait les 400 coups. Quand ils allaient boire un verre sur le café de la place ou du boulevard, ces garçons n'oubliaient pas d'apporter leurs entonnoirs. Quand ils mangeaient, c'était sanglant, et tous quatre chantant et sanglotant. Quand ils aimaient, c'était du sang. Quand ils couraient, c'était du vent. Quand ils pleuraient, c'était vivant. Quand ils dormaient, c'était sans regret. Quand ils travaillaient, c'était méchant. Quand ils rôdaient, c'était effrayant. Mais quand ils jouaient, c'était différent. Quand ils jouaient, c'était comme tout le monde. Comme vous et moi, vous et nous, et tous les autres, quand ils jouaient, c'était étonnant. Mais quand ils parlaient, c'était d'amour. Ils auraient pour un baiser donné ce qui leur restait de sang. Leurs mains avaient des lignes sans nombre qui se perdraient parmi les ombres comme des rails dans la forêt. Quand ils s'asseyaient, c'était plus majestueux que les rois. Et les idoles se cachaient derrière leur croix quand devant elles, ils passaient droit. On leur avait rapporté leur tête plus de 20 fois, plus de 100 fois, les ayant retrouvés à la chasse ou dans les fêtes, mais jamais ils ne voulurent reprendre ces têtes où brillaient leurs yeux, où les souvenirs dormaient dans leur cervelle. Ils étaient quatre qui n'avaient plus de tête, quatre à qui l'on avait coupé le cou. On les appelait les 400 coups. On leur avait rapporté leur tête plus de 20 fois, plus de 100 fois, les ayant retrouvés à la chasse ou dans les fêtes, mais jamais ils ne voulurent reprendre cette tête où brillaient leurs yeux, où les souvenirs dormaient dans leur cervelle. Cela ne faisait peut-être pas l'affaire des chapeliers et des dentistes. La gaieté des uns rend les autres tristes. Les 400 coups vivent encore, c'est certain. J'en connais au moins un, et peut-être aussi les trois autres. Le premier, c'est Geronimo. Le deuxième, c'est Pinocchio. Le troisième, c'est Borsalino. Et le quatrième, c'est Gabi El Loco. Mais je les vois de moins en moins, car c'est ennuyeux à la fin, la fréquentation des gens trop malins. Ils étaient quatre qui n'avaient plus de tête, quatre à qui l'on avait coupé le cou. On les appelait les 400 coups. Pour te parler d'amour. pas que je t'aime. Oh non, ne t'emballe pas. You old fool. My picture's been on your desk for ages. It's about time you change it. I look like my little sister. You've been singing that same old song for so long. I think I'm used to it by now. Please don't tell me that you love me. You'd choke, and I'd faint. Isn't this great? We're still together. Hold on. Are you crying? Old boys aren't supposed to cry. Old boys don't cry. I'm not in love, so don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. In French, please. Je dis pas que je t'aime, ne te méprends pas. Je dis juste que je me sens bien quand tu es là. Je dis pas que je t'aime. Oh non, oh non, ne l'oublie pas. Tu confonds Dieu avec duel. Sensation avec un gestuel. J'extapose mots crus et mots cruels. Mais l'amour est un art brut et brutal où chacun doit prendre garde. Et surtout qu'il n'y ait ni vainqueur ni vaincu. Jamais montrer sa part ou d'avoir le dessus. Place à l'imprévu. Tout est à l'intérieur et dans la retenue. Truth. Tu confonds rythme avec rituel. Avec art virtuel. Tu superposes mental et manuel. Mais l'amour est un art de face à face où l'un pour l'autre est légal. Et surtout qu'il n'y ait ni vainqueur ni vaincu. Montrer sa peur ou d'avoir le dessus. Aucun droit à l'erreur ne place à l'imprévu. Tout est à l'intérieur et dans la retenue. Mais l'amour est un art grand et martial. Pas un combat impartial. Tout est à l'intérieur. It was Alma Dilly with Les Quatre Sans Coups, then Salvatore Adamo with I'm Not In Love, Je Dis Pas Que Je T'Aime, and then Isabella Gianni with Samurai. Programming on KFAI is supported by the French-American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. Now we can listen to Arthur Ashe with L'Étoile, and it's from his album La Vie. Then De Palmas with L'Amant Infidèle, The Cheating Lover, from his album Sous un Soleil de Plomb. And Louis Bertignac, who used to be part of the band Téléphone, with Peut-être un jour, Maybe Someday, and it's from his album Dans le film de ma vie. J'abuse, je pars bientôt. ça, je l'avoue. On ne peut pas compter sur moi. Je ne suis qu'un amant infidèle. Pour autant, ne t'emballe pas. Tu as fait bien pire que moi. Je ne suis qu'un amant infidèle. Et on ne peut pas compter sur moi, ni sur toi. Ce mari qui t'attend, que penserait-il de toi? La même chose que maintenant, tu penses de moi. Fâché, tu prends la pause. J'ai trahi ta confiance. Injuste retour des choses, en l'occurrence. C'est comme ça, je l'avoue. On ne peut pas compter sur moi. Je ne suis qu'un amant infidèle. Pour autant, ne t'emballe pas. Tu as fait bien pire que moi. Je ne suis, je ne suis qu'un amant infidèle. Sur moi, ni sur toi, ni sur moi, ni sur toi, ni sur moi. Peut-être un jour tout ira mieux. Peut-être amour avant qu'on soit vieux. Peut-être on pourra s'embrasser, se tendre la main sans s'angoisser. Peut-être on se retrouvera et direct on se reconnaîtra. Mon visage a un peu changé, le tien était si beau, mon cœur l'a gravé. Ouais. Rien ne me fera t'oublier, rien ne me fera reculer, rien ne pourra jamais changer tout ce qu'on était. Peut-être un jour d'un pas de deux, peut-être un jump étoile dans les yeux. On sortira de l'ornière, fini ces gestes barrières. Peut-être un jour de vive voix, nos petits tambours en harmonica. Je te soufflerai comme je t'aime, et nos larmes emporteront toutes ces peines. Rien ne pourra nous séparer, un tire-terre déployé. Je t'emmènerai dans nos plus inconnues contrées. Oh, peut-être un jour. Thank you. It was Arthur Ashe with L'Étoile, then De Palmas with L'Amant Infidèle, and then Louis Bertignac with Peut-être un jour. KFAI is proudly supported by the Great Northern Festival presenting Midwinter Melt on February 2nd from 6 to 9 p.m. at Silverwood Park. This no-cost, family-friendly event includes kick sledding, luminary trails, campfires, and the premium of this year's dazzling, artist-inspired Cosmic Foot Golf Course. Featuring a solar lamp-making activity and other surprises sponsored by Target, and a fireside community hour with soup bar on Silverwood's outdoor patio, hosted by Melanin in Motion at 5 p.m. More information at thegreatnorthernfestival.com. Hello, bonjour. This is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. Now we're going to listen to Cleo with Carambolage, featuring Alex Baupin from the album Carambolage. Carambolage is like a fender bender. Then Albin de la Simone with Les 100 prochaines années, and it's the title of the song, but the title of the album as well. And then a band that I just discovered, and their album is both in French and in English, depending on the songs. It's called Les Soignantes, or The Healers, and the name of the song is Vivre pour le meilleur. The album is called Les Voix du Cœur. Vivre pour le meilleur means live for the best. Moi, sur la nationale, filant sous les étoiles, la douceur estivale. J'arrive et je te fauche. Moi, j'arrive et je te fauche. Carambolage, coup de volant. Ouh, le paysage. Le paysage est renversant. Toi, ton visage a cogné. Toi, tes lunettes ont volé. Chaos sur le bas-côté. C'est ton carrosse. Carambolage, coup de volant. Ouh, le paysage. Le paysage est renversant. Carambolage, tout a volé. Ouh, le paysage. Le paysage est renversé. De la chance, tout dans l'ambulance, en avant la romance. J'ai déchiré mes fringues, le moteur est déclingue, on s'aimera comme des dingues. Je suis père et fils et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? Je te verrai. J'ai lu dans nos mains l'avenir qui brille, de beaux lendemains roulement à billes. Je tiens la calèche, qu'il vente ou qu'il pleuve, une rose fraîche entre mes dents neuves. Plongeons saut de l'ange du haut d'un rocher, dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Vivre pour le meilleur, se vouloir. We did listen to Cleo with Carambolage, then Albin de la Simone with Les 100 prochaines années, and then Les Soignantes with Vivre pour le meilleur. Now we're going to listen to Zélie with Fou or Crazy, then Clara Isé, which I just discovered that I really love her, with Cœur Indompté from her album Océano Nox. And I discovered her on YouTube, I believe, because she was playing one of her songs live at the Église Saint-Eustache, which is the Église in the first arrondissement that next to where my parents live. And I thought that was interesting, and I listened, and I really like her voice. Then someone I really like her voice too is Ghostly Kisses with Oublier or Forgetting. And she's from Quebec, but most of her songs are in English, except for maybe two or three. Jamais, tu n'as pas mon lever, pourquoi je m'acharnais à te plaire quand bien même je suis sans nouvelles. Ça m'a rendu si belle de te dire à jamais, tu n'as pas mon lever, pourquoi je m'acharnais à te plaire quand bien même je suis sans nouvelles. T'étais fou. Je ne vois plus de l'aise, haut et fort, je le dis, tu me traites comme une merde. Fais si, fais pas ça, Zélie, bordel, on ne voit que toi. T'étais fou. J'ai l'impression de me mettre à nu, mais je le fais vraiment. Avant je me comprenais pas, c'est jusqu'ici bas. On te demande de faire, pas d'être, et c'est bien dommage. Et moi je sais toujours pas comment m'aimer sainement. Mais je sais qu'en écrivant ça, j'ai de quoi me connaître. Et plus tu te connais, plus tu comprends d'où viennent les saignements. Donc j'ai écrit un album. Et je vais sortir un album. J'ai écrit un album. Jeter le ciel troublé dans tes yeux butés. Je le verrai jaloux. ta canine, observer ton palais mouillé. Tu as aimé le ciel troublé quand toi j'ai jeté. Prends garde au fond de ta rétine, je t'ai vu me déshabiller. Emmène-moi, emmène-moi danser. Doucement sort, affolé. Il est prohibé comme un dompté de t'apprivoiser, mais je suis obstinée. Et pour t'affoler, cœur ombragé, dans la nuit d'été, je te fais tournoyer. J'irai retirer, cœur ombragé, les couteaux cachés dans tes poings près de toi, mais tu ne me vois pas. It was Zélie with Fou, then Clara Isé with Cœur Indompté, It's a Heart That We Cannot Tame, and then Ghostly Kisses with Oublier, Forgetting. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis-Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. KFAI is proud to present DJ Shadow at the First Avenue Main Room on Tuesday, January 30th. For over 30 years, Josh Davis has expressed his passion, taste, and values through the music he creates as DJ Shadow. His seventh solo album, Action Adventure, is a record of mature sparseness, a revitalizing and focused release that suggests a refined late period from a grandmaster of our time. Tickets for DJ Shadow can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. Now we're going to listen to Marie-Paul Bell, an artist that was very famous when I was a kid. And one of her most famous songs was Les Parisiennes. And it was very, like, uplifting and funny and things. And she came up with a new album called Un Soir Entre Mille, A Night Throughout, like, a Thousand. And it's a new album, so she has, like, new songs. Then we're going to listen to Frédéric François, which is one of my mom's favorite artists. And the name of the song is also the name of the album, and it's On a tous besoin d'aimer, We All Need to Love. And then we're going to listen to Juliette with Dans le marc de café, and it's from a new album called Chanson de là où l'œil se pose. Le marc de café is the end of the coffee, like the bottom of the cup when you finish an espresso, for example. There's a little bit of it left in it, and it's called in French le marc, and there's a C at the end, but it's silent. And often people joke that they can see the future in it, but you know, people joke about anything anyway. And the name of the album, Chanson de là où l'œil se pose, is songs from where the eye is looking. Il racontait sa vie au bar du métropole. Elle écoutait, elle patientait, les yeux perdus et qui somnolent. Il inventait, il s'enivrait sans boire jamais. Dans les bars, dans les villes, il y a des gens comme ça qui un soir entre mille ont besoin qu'on les croie. Et puis un escarbille, tous ces mots s'éparpillent. Et tout est oublié comme des feux de joie. Elle racontait au bord du quai toute sa vie au machiniste. Elle inventait, il regardait le sac usé, les souliers tristes. Le train partait, mais elle restait dans le café qui ne part jamais. Dans les bars, dans les villes, il y a des gens comme ça qui un soir entre mille ont besoin qu'on les croie. Et puis un escarbille, tous les mots s'éparpillent et tout est oublié comme les feux de joie. Y a des cafés tout enfumés où un soir sur la Moleskine n'importe quoi peut arriver, n'importe quoi qu'on imagine. C'est le grand soir des cœurs blessés et puis la nuit part en fumée. Dans les bars, dans les villes, je me promène parfois parce qu'un soir entre mille, j'ai besoin qu'on me croie. Et je raconte ma vie notre amour, sa magie. Et je raconte ma vie comme si tu étais là. Rester enfermé chez soi, parce que la solitude vous inonde. Et parfois juste faire un pas pour voir que l'on n'est pas seul au monde. Une voix, un sourire, cet instant qu'on espérait. Cette fois, on chavire pour les jours et nuits d'après. Même si les mots ne sont pas toujours les mêmes, pour se dire simplement je t'aime, c'est son cœur qu'il faut écouter. On a tous besoin d'aimer. Même si les mots ne suffisent pas toujours, pour simplement parler d'amour, parce qu'on a tellement. Regardez autour de soi, c'est comme un nouveau jour qui commence. Pour ne plus vivre à l'étroit, à son tour on peut croire en sa chance. Une joie, un désir, comme un signe qu'on attendait. Et puis, tout arrive, comme si plus rien n'existait. Même si les mots ne sont pas toujours les mêmes, pour se dire simplement je t'aime, c'est son cœur qu'il faut écouter. On a tous besoin. De soi, ce besoin qui remonte à l'enfance, d'exister, d'avoir le droit, d'aimer qui l'on voudra, quoi qu'on pense. Même si les mots ne sont pas toujours les mêmes, pour se dire simplement je t'aime, c'est son cœur qu'il faut. De brouillard, embrumé de cafards, de doute et d'à quoi bon, comment trouver consolation? Ça ressemble à un jeu grave et sérieux, qui donne l'illusion d'une réponse à la question. Un jeu de porcelaine, de sillons et de veines, dans une tasse ébréchée, je lis dans le marc de café. Dans le marc de café, mais aussi dans les nombres, dans la lune et les ombres, et dans les cartes à jouer. Parfois bonne aventure, souvent mauvaise augure, de l'amour à la mort, j'abandonne mon sort aux noirs espoirs qu'on fait danser dans le mar de café. Mais j'ai beau me redire qu'il est vain de prédire, ma raison incrédule s'endort au rythme du pendule. Mon âme s'est perdue entre diable et pendu, à ne lire que ce qui l'arrange dans les tarots que je mélange. Et j'ai fini par croire l'oracle dérisoire de miettes consumées brûlant dans le mar de café. Dans le mar de café, les astres, les étoiles, dans tout ce que dévoilent les traces du passé. Parfois bonne aventure, souvent mauvais augure. De l'amour à la mort, j'abandonne mon sort aux noirs espoirs qu'on fait danser dans le mar de café. La solitude, les sales habitudes, il y a tant d'assassins tapis dans les lignes de ma main. Car au fond je sais bien de quoi sera fait demain. Il n'y a pas de mystère, pas de présage, pas de sorcière. Il n'y a que le hasard de la vie qui s'égare comme elle peut, même mal, et rien dans les boules de cristal. Mais nous sommes ainsi faits, impuissants et distraits, qu'il faut nous contenter des seuls espoirs qu'on fait danser dans le mar de café. We just listened to Marie-Paul Bell with Un soir entre mille, then Frédéric François with On a tous besoin d'aimer, and Juliette with Dans le mar de café. Now we're going to listen to Icar with a song called Tombé, Falling, featuring Mantissa. It's from his album No Future. Then Grand Corps Malade with La Sagesse, from his new album called Reflet. And then Les Enfoirés with Libre. So it's a cover because Les Enfoirés is the collective who are a non-profit and gather money for Les Restos du Cœur, or the restaurants of the heart, which feeds people without money and feed lunch and dinner during the winter. So it's a live version and it's coming from the 2023 Enfoirés un jour, toujours. Répéter les mêmes gestes, quitte à se quitter dans la douleur, pour cette moitié de vie qu'il reste. Je veux aimer de tout mon cœur. Quitte à échanger ma sagesse pour ces ivresses de quelques heures, quitte à refaire les mêmes erreurs, je veux aimer de tout mon cœur. Tomber, tomber, tomber d'amour. Quitte à perdre l'équilibre, quitte à me jeter dans le vide. Paraît qu'être heureux est un droit, que le hasard n'existe pas. Je prends le risque du bonheur, je veux aimer de tout mon cœur. Tomber, s'il faut tomber, tomber un jour. Je veux tomber, tomber, je veux tomber d'amour. Quitte à répéter les mêmes gestes, quitte à se quitter dans la douleur, pour cette moitié de vie qu'il reste, je veux aimer de tout mon cœur, de tout mon cœur. J'ai atteint cet âge où je me dis que la télé, c'était mieux avant. Que le rap, c'était mieux avant. Que moi, c'était mieux avant. J'ai atteint cet âge où je regarde l'heure pour pas rentrer trop tard. Et où je trouve que la musique est trop forte dans les bars. Je parle même pas des boîtes de nuit qui sont devenues un supplice. De toute façon, les gens, ils sont plus proches de l'âge de mes fils. J'ai atteint cet âge où on appelle les jeunes. Et où on me propose des rendez-vous où on petit déjeune. J'ai un compte Facebook et je crois que Snap est un fléau. Je dis que le temps passe trop vite et je commente la météo. Je sais qui sont Charlie Hellu et qui est Philippe Risoli. J'aime parler de Pépita et de Marie-Ange Nardi. J'essaie de manger bio et je parle de décroissance. Sur internet, je scroll 20 minutes pour trouver ma date de naissance. Mais non, je suis pas vieux, appelle ça de la sagesse. J'ai encore de beaux rêves, mais j'ai plus les bonnes rêves. Mais non, je suis pas vieux, appelle ça de la sagesse. J'ai encore de beaux rêves, mais j'ai plus les bonnes rêves. Ça m'arrive encore de convertir des prix en francs, et la moitié de l'équipe de France pourrait être mes enfants. Quand un jeune me tutoie dans la rue, je prends ça comme un honneur, et dans son regard, j'essaie de voir s'il me considère comme un boomer. Mes enfants me font découvrir des rappeurs que je connaissais pas, parodiés par des youtubeurs que je connaissais pas. Maintenant, c'est à eux que je demande quel joueur et dans quelle équipe. J'aime pas Fortnite, la K-pop et les photos avec des filtres. J'insulte les ordis qui me demandent si je suis pas un robot, et mes enfants qui n'envoient des messages que par vocaux. Ils écrivent plus à l'oral qu'au stylo dans leur cahier, mais c'est eux qui me font découvrir des raccourcis clavier. On dit que les jeunes d'aujourd'hui ne savent plus s'amuser. C'est sûrement le discours d'une vieillesse désabusée. Le problème des jeunes, c'est pas qu'ils s'amusent pas. Le vrai problème de la jeunesse, c'est qu'elle s'amuse sans moi. Mais non, je suis pas vieux, appelle ça de la sagesse. J'ai encore de beaux rêves, mais j'ai plus les bonnes rêves. Mais non, je suis pas vieux, appelle ça de la sagesse. J'ai encore de beaux rêves, mais j'ai plus les bonnes rêves. Être jeune, c'est dans la tête. En vrai, on dit ça quand on est vieux. Être vieux, c'est dans le corps. Mais bon, le corps est contagieux. Si toi, tu trouves que je suis vieux, bah moi, j'appelle ça de la sagesse. Et puis j'ai encore de beaux rêves, mais j'ai de moins en moins les bonnes rêves. Mais non, je suis pas vieux, appelle ça de la sagesse. J'ai encore de beaux rêves, mais j'ai plus les bonnes rêves. Mais non, je suis pas vieux, appelle ça de la sagesse. J'ai encore de beaux rêves, mais j'ai plus les bonnes rêves. Mais non, je suis pas vieux, appelle ça de la sagesse. J'ai encore de beaux rêves, mais j'ai plus les bonnes rêves. Voilà la j'étais jamais devant. Oh non, aujourd'hui j'ai bien changé, crois-moi. Fais bien attention à toi. Ton jeu, je le connais déjà. Je suis libre et ça ne changera pas. Mais fais bien attention à toi. We just listened to Icar with Tombé featuring Mantissa, then Grand Corps Malade with La Sagesse, and Les Enfoirés with Libre, and it's a live version. KFAI is proud to present Making Movies at the Cedar Cultural Center on Saturday, February 3rd. Mixing classic rock and blues with rumba, merengue, cumbia, and mambo, Kansas City band Making Movies honors their members' Mexican and Panamanian heritage and broadly encompasses the many sounds of the Americas. Opening the show, the local band Alma and Dina. Tickets for Making Movies can be found at the Cedar Cultural Center website. Visit thecedar.org for more details. Now we're going to listen to three more songs, and I remind you that all the songs we are listening today are from albums that came out in 2023. Not necessarily top 10, or not necessarily people who passed away, but just some new albums. So we're going to listen to Ken V with Donné from his new album Equilibre. Donné is giving, and Equilibre is equilibrium, or balance. And then we're going to listen to Zao, which I really like. And the name of the song is Roi de Coeur, King of Heart, but the de is spelled to instead of being like of. And it's featuring Indila, and it's from Zao's album called Resilience. Then we're going to listen to Rose Laurence, who had a very huge success in the mid to late 80s. And the name of this song is the same as the name of the album. It's called Où va le temps? Where the time go? Donné, donné, donné, donné, pour ta joie et tout donné. Donné, donné, donné. s'est décidé, il m'a choisi. Trop tard ma chérie, je l'aime habibi, comme la lune aime la nuit. Quoi qu'il advienne, faut que tu comprennes qu'il n'y a qu'un king et que je serai sa reine. Rien à perdre. Je n'ai qu'une chose à dire, quitte le navire, que la jalousie t'emmène à des kilomètres. Trop tard ma chérie, je l'aime habibi, comme la lune aime la nuit. Quoi qu'il advienne, faut que tu comprennes qu'il n'y a qu'un king et je serai sa reine. Pourquoi j'ai si mal, je ne fais que t'aimer, souffrir est-ce normal, ya habibi? On s'échange des rafales, on s'aime, on s'éloigne à ce jeu. Personne ne gagne. Quel est cet océan là-bas tout au It was Kenvi with Donné, then Zao with Roi de Coeur, featuring Indila, I like her too, then Rose Laurence with Où va le temps? Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to Linda Lemay. She's from Quebec. And the name of the song is Nausée à bon. And there's a play on word because a little bit like the difference between being nauseous and being nauseated in English. And then it's from her album called Critiquement Incorrect. Now we're going to listen to M, who is Mathieu Chédid, with Ils sont fous ces humains. These humans are crazy, and it's from the soundtrack of Asterix et Obélix, L'Empire du Milieu. There was a new Asterix and Obélix movie last year, and M did the whole soundtrack. And then we're going to listen to Sinclair with So Sorry, from his album So Sorry. Ça prend plein de monde pour faire un monde, toutes sortes d'égo pis de caractère. Y'a des grands blonds pis des petites rondes. En général, tout le monde veut plaire. Tout le monde a un jardin secret. Là-dedans, ça sent toutes sortes d'affaires. Y'en a qui gardent pas les secrets, qui se promènent le jardin à l'air. Commençons par parler de Solange. Ben soyons francs, elle pue du bec. Même que les aliments qu'elle mange avant de mourir, ils deviennent secs. Suffit qu'elle s'ouvre le clapet et puis qu'elle souffle tant que c'est pas tiède, pour que ses soupes à l'alphabet formulent des appels à l'aide. Les S, les O, les S au front, ça vire tout raide, puis comme pas cuit. Les A, les B laissés au fond avec le reste de leurs amis. Plein de petites nouilles qui désespèrent, qui font des pactes de suicide, puis qui se jette en bas de la cuillère pour éviter la laine fétide. Mon oncle Armand, c'est par les fesses qu'il nous répand ses souvenirs. C'est pas le bruit, c'est ce que ça laisse comme en suspens qui nous fait fuir. Il pond plus souvent que les poules. Ça pue les œufs, mais c'est des nuages. Et plus l'arrière-train lui roucoule, plus sa pollution se propage. Ça prend plein de monde pour faire un monde, toutes sortes d'égo pis de caractère. Y'a des grands blonds pis des petites rondes. En général, tout le monde veut plaire. Tout le monde a un jardin secret. Là-dedans, ça sent toutes sortes d'affaires. Y'en a qui gardent pas les secrets, qui se promènent le jardin à l'air. Le petit Johnny, c'est les aisselles, une de chaque part de son gros nez. Aussitôt qu'il déploie les ailes, les hirondelles se mettent à tomber. On comprend pas qu'avec sa face à peine au-dessus de son dessous de bras, il se rend pas compte que c'est néfaste. Il a dû se déboîter l'odorat. La vieille Monique, elle sait d'ailleurs que vient le malheureux problème. Malgré le puissant parfum aux fleurs et toutes les poudres et toutes les crèmes, ça sent le que ça fait longtemps que ça a pas servi cette madame-là. Je dirais que ça sent l'ancien temps, mais c'est pas poli de dire ça. Et puis François donne pas sa place. Bienvenue à ceux qui aiment le fromage, même bien avant qu'il les délasse. Y'a le fumet qui se dégage de ses petites bottines en cuirette. Y'en a qui trouvent que c'est pas grave. Mais comme dirait ma tante Pierrette, des pieds c'est comme des planchers, ça se lave. Ça prend plein de monde pour faire un monde, toutes sortes d'égo pis de caractère. Y'a des grands blonds pis des petites rondes. En général, tout le monde veut plaire. Tout le monde a un jardin secret. Là-dedans, ça sent toutes sortes d'affaires. Y'en a qui gardent pas les secrets, qui se promènent le jardin à l'air. On a chacun nos petites parties d'intimité plus odorantes, une petite parcelle d'anatomie plus rebelle, plus résistante au bain moussant, puis au savon, puis au scrubbing, et puis au reste, un petit fond nauséabond, un petit baume que l'on sécrète. Moi, je croyais avoir bien fait le tour de mon propriétaire. À coups de gel douché de gros jets, je me sentais reluire de toute ma chair, jusqu'à ce que je trouve un amoureux, que son dada, c'est les nombris. Que le mien est un peu creux. Un petit coup de langue, puis il est parti. Ça prend plein de monde pour faire un monde, toutes sortes d'égo puis de caractère. Y'a des grands blonds puis des petites rondes. En général, tout le monde veut plaire. Tout le monde a un jardin secret là-dedans. Ça sent toutes sortes d'affaires. Y'en a qui gardent pas les secrets, qui se promènent le jardin à l'air. ta folie, au contraire, c'est ce qui te rend humain. La vie est en colère, on se le disait gamin. Pour moi t'es comme un frère, tous les deux on ne fait qu'un. Sur les chemins d'hier, en chantant ce refrain, ils s'en foutent ces humains, ils s'en foutent ces humains. Ces humains fous. Ils s'en foutent, ces humains. Ils s'en foutent, ces humains. Ils s'en foutent, ces humains fous. Tout le monde veut écrire son histoire. Il suffira d'attendre qui voudra y croire. Dans les tours de béton ou dans les tours d'ivoire, les chemins se croisent et sont contradictoires. On trouve des vrais frères de combat, si le destin l'avait écrit. Dans tous les cas, y'aura que l'amour qui nous sauvera. Et je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ils s'en foutent, ces humains. On a mis le monde à l'envers. Ils s'en foutent, ces humains. On a plus les pieds sur terre. Ils s'en foutent, ces humains. Tout le monde veut manger sa part du gâteau. C'est pas où la paix, j'ai raté le panneau. Faut de la lumière, même en hiver. Il serait temps que l'humain change, une espèce d'animal étrange obsédé par les différences qui le séparent de l'essentiel. Il voudrait mener la danse, il veut effacer les distances qui donnera les évidences à ces questions existentielles. Depuis la nuit des temps, on essaie d'avancer sans voix. Dans tous les camps, on retient jamais les défaites mais les victoires. On casse et on répare, on s'arrête, on repart, on rêve d'autre part. Tant qu'on s'aime, c'est pas trop tard. Ces humains, ils s'en foutent, ces humains, ils s'en foutent, ces humains, fous. Ils s'en foutent, ces humains. On a mis la main à l'envers. Ils s'en foutent, ces humains. On a plus les pieds sur terre. Ils s'en foutent, ces humains. Tu sais, sous tout le plastique on laisse accumuler. Pas la peine, vois-tu, de te tatouer. Qu'as-tu si peur d'oublier vraiment? On en a pourtant bien profité avant qu'on ne comprenne le phénomène. Tout ce qu'on laisse prend racine, on le sait. Est-ce vraiment de l'amour qu'on s'épuise à semer? Est-ce que c'était assez ou trop? Même si on en désire encore, on doit piocher dans le vide. Regardons nos babies. Pour piller, on sera toujours les plus forts. Qu'allons-nous laisser mourir d'abord? Notre terre. We'll be right back. It was Linda Lemay with Nausée à bon, then M with Ils sont fous, ces humains, and Sinclair with So Sorry. Hi, I'm Melinda J. Anderson. I've been a volunteer at KFEI since 1993, and Saturday morning is my listening time. Hello, my name is Tonya Drawn, and I am a KFEI listener and guest. Hello, my name is Jacqueline Thomas. I am a longtime volunteer with KFEI and a listener. My name is AJ, and I really wanted to try KFEI. For February 2024, we will be observing the theme of Black, Our Story, Past, Present, Now. KFAI's traditional 24-hour takeover, All Radio is Black Radio, will take place on February 3rd, beginning at midnight. There will be other opportunities to intersect and engage. We are looking for a crew of Black culture creators, journalists, DJs, audio producers, media creators, storytellers, anyone working in mediums that you hear to join us in creating this year's observance and more. If you'd like to be involved, your cherished and valued participation is welcome. Visit the Black Our Story page at kfai.org or call the main office at 612-887-4400, and a member of the Black Division community will get back to you. Now we're going to listen to a band called Madame Monsieur, and I discovered them when they had like a song for the Eurovision Song Contest several years ago. The name of this song is called Pupille, and talk about a kid who has no parents, and it's featuring Les Frangines. And the name of the album is Emmêler nos solitudes, mingling our solitudes. And then we're going to listen to Nicolas Maury with a song called Porcelaine de Limoges, and it's the same song as the album. And Limoges is a town in France where the porcelain, whether it's plates or other things, are really famous to be like really fine dining sets, really expensive. And then we're going to listen to Music from Britney with Je m'appelle Charles. My name is Charles. And it's from his album Simplifié. Toi t'as rien fait, toi t'es beau, t'es grand déjà. Tu n'as rien demandé, mais voilà, t'es là. Un matin tu débarques contre ses deux bras. Elle n'a rien demandé, mais voilà, t'es là. Sûrement que t'étais mal tombée. Évidemment qu'elle a flippé. Mais faudra bien lui pardonner d'avoir laissé son bébé dans d'autres mains pour d'autres jours. Avec du monde autour, peut-être un peu plus de chance, peut-être un peu plus d'amour. Les millions de questions tu te les poseras, mais c'est ni à cause d'elle ni à cause de toi. Ton nom c'est Pupille, mais tu grandiras. Regarde comme tu brilles. Pour un tas de raisons tu lui en voudras. Mais c'est ni à cause d'elle ni à cause de toi. Toi ton nom c'est Pupille et tu construiras. Tu construiras ta propre famille. Tu feras bien du vélo, tu parleras chinois. Tu auras plein de cadeaux à Noël et tout ça. Tu seras peut-être garde des sceaux, tu te marieras. Qu'il est beau le tableau quand elle pense à toi. Sûrement qu'elle a dû changer, que la vie a continué. Est-ce qu'elle se sera pardonnée d'avoir laissé son bébé dans d'autres mains pour d'autres jours. Avec du monde autour, pour un peu plus de chance, pour un peu plus d'amour. Les millions de questions tu te les poseras, mais c'est ni à cause d'elle ni à cause de toi. Toi ton nom c'est Pupille, mais tu grandiras. Regarde comme tu brilles. Pour un tas de raisons tu lui en voudras, mais c'est ni à cause d'elle ni à cause de toi. Toi ton nom c'est Pupille et tu construiras. reposera. Mais c'est ni à cause d'elle, ni à cause de toi. Toi, ton nom, c'est pupille, mais tu grandiras. Regarde comme tu brilles déjà. Sur ton ourlet du bas, non, maman ne me laisse pas. Chaque rentrée des classes, tétanisée devant la glace, ils vont me traiter de folasse. Mais je sais que tu proviens d'un gisement de kaolin, chauffé par le bois des rivières, recherché pour ta blancheur. Doré bouquet de fleurs, t'as dessiné à l'intérieur. Toi, porcelaine de Limoges, à l'heure de la récré, rendez-vous sur l'arbre coupé, garçon basket, fille poupée. Un prince à la seconde, retour à tes forêts profondes, mais un enfant, ça doit jouer. Tu proviens d'un gisement de kaolin, chauffé par le bois des rivières, recherché pour ta blancheur, filet doré, bouquet de fleurs, t'as dessiné à l'intérieur. Toi, porcelaine de Limoges, cette figurine a des défauts d'usine, cette céramique telle une pièce unique, déformée, fêlée, ébréchée, tachée, ces défauts peuvent être réparés dans les ateliers. Rangée dans une vitrine, sombre destin de barbotine, tu rêves d'une vie de citadine. Pays de la Madeleine, de la châtaigne, des pommes golden. Je te quitte, toi, monter sur scène. Mais je sais que tu proviens d'un gisement de kaolin, chauffé par le bois des rivières, recherché pour ta blancheur, filet doré, bouquet de fleurs, t'as dessiné à l'intérieur. Toi, porcelaine de Limoges. Depuis tellement d'années que je sais de quoi je parle. Quand on me parle d'humanité, je suis plein de tous les corps. Je suis plein de toutes les âmes qui sont venues un jour chez moi, qui ont passé un soir l'entrée. Je m'appelle Charles. Je tiens un hôtel, bar, restaurant. Un grand établissement avec tout au fond dedans, plein de concerts bruyants. Je suis le cœur de la ville du Ponant. Je suis le patron du Vauban. Je tiens sur mes épaules un monument. Je vous connais comme si je vous avais fait. Vous êtes parfaitement les mêmes, vous vous croyez tellement unique, vous vous donnez tant de peine, vous jouez tous sur le même rythme, vous jouez tous sur le même thème, vous voulez tous que l'on vous écoute, que l'on vous estime, que l'on vous aime. Je suis le dernier des croisés, j'en ai le cœur, j'en ai la flamme, j'en ai les bras, j'en ai le coffre, j'en ai la gueule, j'en ai le crâne, je vous vois partir en distribile, je vous vois partir à Dreuse, à faire les imbéciles avec votre vie amoureuse. It was Madame Monsieur with Pupille featuring Les Frangines, then Nicolas Maury with Porcelain de Limoges, and Mio Sec with Je m'appelle Charles. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. Now, for the last set, we're going to listen to three songs, and they are softer than the others because it's the end of the show. And the first one is from Barbara Pravi. She's the one who did second at the Eurovision contest with a different song. Well, she came up with an album in 2023. And the name of this song is Prière à la lumière, Prayer to the Light. And the name of the album is called Les Prières Guérir, or The Prayers and Healing. Then we're going to listen to Pomme with Cette Magie Mauve featuring Flavien Berger. And I like both of them. And it's from a new album called Seasons, or Saisons. And then we're going to listen to Sainte Lucie, which I discovered on Bandcamp as well, with La Honte et le Manteau de l'Orgueil. The Shame is the cover or the coat to the Pride. And it's from her album called Merci. Merci in the sense of thank you in French. Viens traverser mon corps, lumière, lumière du monde. Viens traverser mes ombres, mon sourire et ma voix. Thank you. suffit à remplir l'immensité. just listened to Barbara Pravi with Prière à la lumière, then Poem with Cette magie mauve featuring Flavien Berger, and then Sainte Lucie with La honte et le manteau de l'orgueil. Et voilà, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Continuez à écouter Bonjour Minnesota on KFI Radio. And the show is being archived, and you can listen to it up to 2 weeks. Check it out on kfi.org. Look for the program Bonjour Minnesota. Thank you for those who listen to us, and we'll be there next week.